De Jean Webster, Papa Faucheux. Le mauvais mercredi. Le premier mercredi de chaque mois était une journée abominable. Une journée attendue avec effroi, endurée avec courage et oubliée aussitôt. Chaque plancher devait être sans tache, chaque chaise sans poussière et chaque lit sans un seul faux pli. Il y avait 97 petits orphelins à frotter, à peigner et à boutonner dans leurs vêtements de coton à midonnés à neuf. Et à chacun des 97, il fallait rappeler que l'on devait dire « oui, monsieur, non, monsieur » chaque fois qu'un membre du comité parlait. C'était une journée pénible pour Jerusha Abbott, sur qui, comme la plus âgée parmi les enfants, retombait toute la responsabilité. Mais ce mercredi, comme tous ses prédécesseurs, se termina enfin. Jerusha s'échappa de l'office où elle avait été occupée à faire les sandwichs pour les invités de l'asile et monta au premier pour accomplir son travail de tous les jours. C'était à la salle F qu'elle était employée en particulier, où 11 petits marmots de 4 à 7 ans occupaient 11 petits lits rangés l'un à côté de l'autre. Jerusha appela les enfants, les moucha, donna un petit coup de retapage à leurs vêtements fripés et les mena en file indienne, dociles et contents, vers la salle à manger pour passer une demi-heure bénie avec une soupe au lait et un pudding aux pruneaux. Ensuite, elle s'affaissa sur le banc devant la fenêtre et appuya ses tempes brûlantes contre les carreaux glacés. Elle avait été debout depuis 5 heures du matin, recevant des ordres à droite et à gauche, grondée et bousculée par une directrice agitée. Madame Lippett, dans les coulisses, ne maintenait pas toujours cet aspect calme et pompeux qu'elle avait devant son public, composé des membres du conseil d'administration et des dames visiteuses. Le regard de Jerusha erra sur une grande plaine gelée, derrière la haute palissade qui marquait les bornes de l'asile, à travers un terrain accidenté, parsemé de maisons et de châteaux, jusqu'au sommet du village, qu'on apercevait parmi les arbres dénués de leurs feuilles. La journée était terminée. Selon Jerusha, elle avait été un succès. Le conseil d'administration et le comité d'inspection avaient tout visité. Ils avaient lu les rapports, ils avaient bu leur thé. Et maintenant, ils se dépêchaient de rentrer chez eux, de s'installer devant leur bon feu et d'oublier pendant un mois entier les soucis que leur donnaient leurs petits orphelins. Jerusha se pencha en avant, regardant avec curiosité et une pointe de regret la longue file de voitures et d'autos qui roulaient hors des portes de l'asile. Dans sa pensée, elle suivit d'abord un équipage après l'autre, jusqu'aux châteaux étagés le long de la colline. Elle se voyait en manteau de fourrure, avec un chapeau de velours garni de plumes, enfoui dans les coussins, disant nonchalamment au chauffeur « à la maison ». Mais dès qu'elle fut arrivée au seuil de sa maison, le tableau s'embrouilla. Jerusha avec beaucoup d'imagination. Une imagination, comme lui disait Madame Lippett, qui lui jouerait des tours si elle n'y prenait garde. Mais cette imagination, si vive qu'elle fût, s'arrêtait à la porte cochère des demeures dans lesquelles elle voulait entrer. La pauvre petite Jerusha, si pleine d'ardeur et de désir d'aventure, malgré ses 17 ans, n'avait jamais mis le pied dans une maison bourgeoise. Elle ne pouvait se figurer ce qu'était la vie journalière de ces êtres humains qui n'ont jamais à se préoccuper d'orphelins. « Jerusha, Abbott, on vous demande au bureau, et vous feriez bien de vous dépêcher. » Tommy Dillon, qui faisait partie du chœur, monta l'escalier et longea le corridor en chantant, son chant devenant plus sonore à mesure qu'il s'approchait de la salle F. Jerusha s'arracha de la fenêtre pour faire face de nouveau aux soucis de l'existence. « Qui est-ce qui me demande ?» Elle coupa court au chant de Tommy avec une pointe d'inquiétude. « Madame Lippett au bureau, et je crois qu'elle est furieuse. Amen !» L'air était pieux, mais Tommy n'y mettait pas de malice. Même le plus endurci des petits orphelins sympathisait avec une sœur en faute, appelée au bureau pour se présenter devant une directrice mécontente. Et Tommy avait de l'affection pour Jerusha, bien que parfois elle l'empoignât un peu rudement et lui enleva presque le nez à force de le frotter. Sans mot dire, Jerusha se dirigea vers le bureau, son front marqué de 2 lignes profondes. Qu'est-ce qui avait pu marcher de travers? Se demandait-elle. Les sandwichs avaient-ils été coupés trop épais? Y avait-il eu des coquilles de noix dans les gâteaux d'amande? Est-ce qu'une dame visiteuse avait vu le trou dans le bas de Suzy Hawthorne? Est-ce que, oh mon Dieu, un des petits chérubins de la salle F, sa salle à elle, aurait-il manqué à un membre du comité? La grande salle du fond n'avait pas été éclairée, et comme Jerusha descendait l'escalier, elle aperçut debout, près de la porte cochère, le dernier membre du conseil sur le point de partir. Elle n'eut qu'une impression fugitive de l'homme, l'impression de quelque chose d'infiniment long. Avec ses bras, il faisait des signes au chauffeur d'une auto qui attendait dans l'allée circulaire. Comme l'auto se mettait en marche et arrivait droit sur le monsieur, la lumière vive des lanternes projeta son ombre d'une façon nette sur le mur. L'ombre fit apparaître des jambes grotesquement allongées et des bras qui couraient le long du plancher et sur le mur du corridor. On aurait dit un immense faucheux titubant. L'air inquiet de Jerusha changea subitement et fit place tout à coup au rire. Elle avait par nature une âme ensoleillée et saisissait toujours le moindre prétexte pour s'amuser des choses. Trouver un divertissement quelconque dans le fait accablant de l'existence d'un membre du comité, c'était un gain inattendu. Elle s'avança donc vers le bureau, tout à fait réjouie par ce petit épisode de l'ombre, et montra un visage souriant à Madame Lipette. À son grand étonnement, elle trouva une directrice, sinon souriante, du moins d'une affabilité inespérée. Son regard était presque aussi aimable que celui qu'elle arborait pour le comité. « Assieds-toi, Jerusha, j'ai à te parler. » Jerusha se jeta dans la chaise la plus proche et attendit. De la fenêtre, elle vit une auto passer en coup de vent. Madame Lipette la suivit du regard. « As-tu remarqué le monsieur qui vient de partir ?»« J'ai vu son dos. » »« C'est un des membres les plus influents de notre conseil d'administration, qui a donné de fortes sommes pour l'entretien de l'asile. » Je ne suis pas autorisée à le nommer, car il a expressément stipulé que son nom ne soit jamais divulgué. Les yeux de Jerusha s'élargirent tant soit peu. Elle n'était pas habituée à être appelée au bureau pour discuter avec la directrice des excentricités d'un membre du conseil. Ce monsieur s'est intéressé à plusieurs de nos garçons. Tu te souviens de Charles Benton et Henry Fraze? Ils ont été tous les deux envoyés au collège par monsieur, je veux dire le membre du conseil. Et tous les deux ont payé par leur succès et leur bon travail l'argent qu'il avait si généreusement dépensé. Le monsieur ne désire pas être récompensé d'une autre façon. Jusqu'à présent, sa philanthropie s'est toujours bornée aux garçons. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu l'intéresser à aucune jeune fille, si méritante qu'elle fût. Je dois même te dire qu'il ne s'intéresse pas aux jeunes filles. « Non, madame, » murmura Jerusha, car il lui sembla qu'elle devait dire quelque chose. « Aujourd'hui, à l'Assemblée générale, on a soulevé la question de ton avenir. » Madame Lipette s'arrêta pour faire son petit effet, puis elle continua lentement d'une voix placide qui exaspéra la jeune fille aux nerfs soudainement tendus. « D'habitude, comme tu le sais, les enfants ne sont pas gardés ici après l'âge de 16 ans, mais une exception a été faite en ta faveur. Tu avais fini nos classes à 14 ans, on avait été content de ton travail, pas toujours, il faut le dire, de ta conduite, et on t'a envoyé à l'école. » À l'heure qu'il est, tu as presque terminé tes classes là-bas, et bien entendu, l'asile ne peut plus te garder à ses frais. En somme, tu as déjà eu 2 années de plus que la plupart des autres. » Madame Lipette paraissait oublier la forte dose de travail que Jerusha avait donnée pour être logée et nourrie à l'asile pendant ces 2 années, et que les intérêts de l'asile avaient passé avant ceux de son éducation, et que les jours importants comme celui-ci, elle était retenue à la maison pour frotter. Ainsi que je te l'ai dit, la question de ton avenir a été soulevée, et ton cas a été discuté dans tous les sens. » Madame Lipette fixa la prévenue avec des yeux accusateurs, et la prévenue avait l'air coupable, parce qu'il lui semblait qu'on exigeait d'elle cette expression, et non parce qu'elle avait des méfaits sur la conscience. La solution normale pour quelqu'un dans ta position serait de te mettre en mesure de gagner ta vie. Mais il paraîtrait que tu t'es distingué dans quelques branches de tes études, et que ton travail en anglais a même été brillant. Mademoiselle Pritchard, qui fait partie de notre comité d'inspection, est en même temps une des administratrices de l'école. Elle a parlé à ton professeur de rhétorique et s'est fortement exprimée en ta faveur. Elle a aussi lu à haute voix le devoir que tu as intitulé le « mauvais mercredi ». Cette fois, l'expression de culpabilité de Jerusha n'était pas feinte. Il m'a semblé que tu ne t'es pas montrée très reconnaissante en te moquant de l'asile qui a tant fait pour toi. Si tu n'avais pas réussi à être amusante, je doute fort qu'on t'aurait pardonné. Mais, heureusement pour toi, monsieur, c'est-à-dire le monsieur qui vient de partir, paraît avoir le sens de l'humour excessivement développé. À cause même de cette narration impertinente, il a offert de t'envoyer au collège. » Au collège ? Les yeux de Jerusha s'ouvrirent tout grands. Madame Lipette fit signe que oui. Il est resté pour discuter les conditions avec moi. Elles ne sont pas banales. Le monsieur, je me permets de le dire, est excentrique. Il croit que tu as de l'originalité. Il se propose de faire de toi un écrivain. Un écrivain ? Jerusha perdit le sens des mots. Elle ne pouvait que répéter ce que Madame Lippett venait de dire. C'est ce qu'il désire. L'avenir montrera ce qu'il en sortira. Il t'alloue tant par mois, trop, selon moi, pour une jeune fille qui n'a aucune expérience de l'argent. Mais c'est lui qui a tout réglé, et je ne me sentais pas en droit de faire des observations. Tu resteras ici pendant l'été, et Mademoiselle Pritchard a gracieusement offert de surveiller ton trousseau. Ta pension et les frais de ton instruction seront remis directement au collège, et en plus tu recevras $35 par mois pendant les 4 années que tu resteras là. L'argent te sera adressé chaque mois par le secrétaire de ce monsieur, et de ton côté, tu écriras chaque mois une lettre pour en accuser réception. C'est-à-dire, tu ne le remercieras pas pour l'argent, il ne désire pas qu'on en parle. Mais tu lui écriras une lettre donnant des détails sur tes études et ta vie là-bas. Une lettre comme tu l'écrirais à tes parents s'ils vivaient encore. Ces lettres devront être adressées à M. John Smith, aux soins de M. le secrétaire. Ce monsieur ne s'appelle pas John Smith, mais il préfère rester inconnu. Pour toi, il ne saura jamais autre chose que John Smith. Il te demande de lui écrire, car il trouve qu'on acquiert de la facilité en écrivant des lettres. Comme tu n'as pas de famille avec laquelle tu puisses correspondre, il a trouvé ce moyen. De cette façon, il pourra suivre les progrès que tu feras. Il ne répondra jamais à tes lettres et ne s'occupera nullement de leur contenu. Il a horreur de la correspondance et ne veut pas que tu lui deviennes une charge. Si par hasard une réponse est indispensable, comme par exemple si tu étais renvoyé, ce qui j'espère n'arrivera jamais, tu pourras écrire à M. Grigg, son secrétaire. Tu seras absolument tenu d'écrire cette lettre mensuelle. C'est tout ce que ce monsieur demande de toi. Tu devras donc être d'une exactitude scrupuleuse, comme s'il était question d'une note à régler. J'espère que dans ta correspondance, tu seras toujours respectueuse et que tu feras honneur à ton éducation. Tu ne dois jamais oublier que tu écris à un membre du conseil d'administration de l'asile John Greer. Jerusha regarda la porte en soupirant. Elle était à bout de force. Et elle n'avait qu'un désir, celui de se dérober aux platitudes de Madame Lippett et de se recueillir. Elle se leva et recula d'un pas pour s'en aller. Madame Lippett, d'un geste, la retint. C'était une occasion qui n'était pas à dédaigner. « J'espère que tu es convenablement reconnaissante pour ce grand bonheur qui t'arrive. Peu de jeunes filles dans ta situation ont une telle occasion pour se faire une position dans le monde. Il faut toujours te rappeler... Oui, madame, merci. Si c'est tout, je vais aller coudre une pièce au pantalon de Freddy Perkins. » Elle sortit. Madame Lippett vit la porte se refermer et demeura, bouche bée, sa péroraison restant en l'air.